Bonjour. Voilà, frère Junior maintenant. Mais voilà. Bonne arrivée. Vous avez bien dormi. Très bien dormi. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse encore. Vous avez bien dormi. Très bien dormi. La fatigue. Non, n'était pas. C'est 2 heures de vol maximum. On n'était pas fatigué en tant que tel. Oui, oui. J'aurais seulement souhaité que hier, quand on est venu comme ça, qu'on puisse travailler. Le Seigneur vous bénisse. Ah, merci beaucoup. Ça va, mon cher? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais ils sont loin. Non, ils sont pas loin. Ok. Ils sont loin quand même. Ils ont trouvé 20 km. Ok. Ils sont proches. On peut commencer même à les cantiques, non? Oui. C'est les chants. J'ai vu les instruments là. Si vous pouvez jouer cela comme ça, on entend. Parce que je vais voir les instruments là. Ou c'est là. Vous appelez ça comment? On appelle ça quoi? Tamsiré. Oui. Le Kongsiré. Kongsiré. Oui. Vous pouvez jouer en attendant. Oui, mais est-ce que parle pas connu? Non, c'est vous qui avez joué ça. Il y a les spécialistes des conques. Vous avez dit que ça se fait comment? La langue, c'est le conciré. Conciré. Oui. Mais en français, c'est le sem, c'est quoi? Cymbal. Ah non. C'est cymbal. Hein. Oui. Cymbal. Donc c'est différent du tam tam. Oui, non, ça c'est différent. C'est cymbal. Ok. Que c'est vous? Attends, tape un peu là. Donc, selon la zone où on frappe. Selon la zone, oui. Oui, selon la zone. De, et oui, puis là. Ici, là, c'est un peu. Un peu plus aigu. Mm-hmm. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis allé taper le. C'est pas, on appelle encore ça quoi? Oui. Le conciré. Le conciré. Le conciré. Conciré. Ah, c'est fort ça. Il me sent vraiment bien maintenant. Le conciré. Et là, quand vous tapez ça, puisque c'est traditionnel, vous avez les cantiques en patois. Oui, il y a les cantiques en patois, en français, tout et tout. Et vous accompagnez avec ça? Oui, oui. Alors, allons-y alors. Ça, c'est la meilleure maintenant. Lorsqu'on va revenir dans les tam-tam, oui. On va jouer ça. Parce que... On accompagne avec le tam-tam. Voilà, ça sera en harmonie. Voilà. Après. Mais où sont ceux qui jouent le tam-tam? Ils sont là. Bon, ils sont... Prends le tantan, mon garçon. Prends le tantan. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? C'est Abraham. Abraham, voilà. Abraham, prends le tantan. Toi, tu ne sais pas jouer. Eh, mais prenez alors, on joue. Prends, va le prendre alors. Parce qu'en jouant là, ça va faire que les gens vont, ils vont venir rapidement. Thank you. Cantique 293. Deux cent soixante-huit. Bye. Non, c'est bon là. Ne t'inquiète pas, papa, ne t'inquiète pas, mon frère. D'accord. Bon, pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire notre camp? Je pense que les recommandations de la Seigneur, on va essayer de les faire. Allez, pour Allah, et d'être avec le bon camp, et on va les guider. Et d'être avec Ernest, dans le champ. Et voilà, on va les donner là. Et pas dès qu'il a fait une ferme. Nous n'avons pas l'habitude de faire la réunion samedi. Ensemble avec eux, ça c'est une bonne chose. On va enlever ma fille du monde de votre matin. Il faut que nos frères puissent faire ça, il faut qu'ils se défaissent aussi. Et bien, ça qui est également en haut, il y a des... Bon, nous qui sommes là déjà dans la présence du Seigneur, et donc, il y a la Dieu-Vira haut. Afin que le Seigneur nous conduit, son esprit nous conduit. Et là, tu te l'auras mis dans les barres où ma fille doit être. Laisse ton cœur libre. Contact toutes les pensées, les pareilles pensées. Ha un numudi. Sakla makodo hona muyo Allah del berde mada. Dis quelque chose à ton Père céleste. Awol wa wol diha babiro mada. Qui me parle? Et Allah a voulu nous parler à mon âme, qu'il parle à ton âme. Voulu nous en absoir, voulu nous en absoir. Pourquoi nous allons prier le Seigneur? La mère d'un cadet est en devirao. Et nous sommes dans la prière. Et nous sommes tournés. Oui, nous sommes tous les connaissances ce matin, Seigneur, de la vie de ma vie. Il est ce matin qu'il nous voit à ses pieds. Dieu, ce matin, Seigneur, Dieu, merci pour l'éternel. Parce que tu as des problèmes, c'est juste pour nous. Afin que nous devons avoir ce matin, Dieu, Seigneur, ce matin, tu veux à ses pieds. Et nous continuons à demander à notre Père Céleste. En tout cas, Torungo Baba, amen. Qu'il ouvre les églises de Sion. On m'habite à Sama. Qu'il ouvre la source, les sources d'eau qui coulent. M'habite à Diamako, Kodo Ila. Qu'il nous arrose. Et Hebao. Nous sommes dans la prière, nous allons prier le Seigneur. Nous demandons à notre Père Céleste. Et de combat Oh. Et d'ajouter quelque chose de plus tant. Et Hauta Deni, et Papa Habre, et Pedari Kouitorena. Comme le Seigneur nous a accordé ce jour à moi. Et tu verras, je crois que le Seigneur nous a accordé ce temps. Andini Allah Atinen Wakati Mon Ereman. Continuons à plonger les frères dans le sang. Et nous, Seigneur, nous avons le veulent venir, ils doivent. Oui, avec tous leurs problèmes, avec toutes leurs difficultés. Voyant que vraiment le Seigneur veut résoudre leurs problèmes. Mais Dieu passe toujours à travers les noms. Mais que ces gens-là viennent avec la foi. Pas seulement ça, il faut que leur vie, leurs âmes aussi soient sauvées. Et nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Les œuvres de l'esprit de l'accident. Nous condamnons cela par l'autorité du sang de Jésus, par l'autorité du nom de notre Seigneur Jésus. Que nos alentours soient couverts par le sang de Jésus. Nous sommes dans la prière. Et nous demandons à notre frère Bertrand de recommander à l'autre. Nous guide dans la langue. Pas seulement ça et donc je que le Seigneur que c'est plein place. Le roi Allah posa Dieu. Nous écoutons la prière. Et nana de toute la terre. Et là Dieu tout puissant, c'est le nom de Jésus Christ. Vraiment une connaissance, je suis venu pour ce programme. Seigneur, c'est toi le maître du temps et des circonstances. Seigneur, nous te bénissons parce que Seigneur, c'est toi qui avais déjà arrêté ce jour. Cheers, man. Toi également, tu as permis, Seigneur, que tout un chacun, Seigneur, soit ici. Nous prions alors, oh mon Dieu, Seigneur, le grand du temps contrôle. Viens d'être avec nous, d'être l'alpha et l'oméga. Amen. Pour ce programme. Nous voulons te recommander, Seigneur, pour les articulations de ce programme. Nous voulons te recommander, Seigneur, des serviteurs. Nous voulons te recommander, Seigneur, tout ce qui va s'emplir. Que nous allons faire ici, que ce soit selon ta direction, au nom de Jésus Christ. Amen. Nous te bénissons, Père, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Amen. Jésus, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Assurons-nous. Bien aimé, bon, pas les doigts. être là. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Nous allons louer notre Dieu. Amen. L'homme de Galilée, il est ressuscité. Il donne la vie à tous les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Nous continuons à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Thank you. félicité, je m'en irai. Dans la félicité, je m'en irai. Dans la félicité, je m'en irai. Alléluia. À profit du pouvoir de voir nous sommes dans le encore. Quelqu'un d'autre nous sommes encore dégagés. Les gens ne sont pas. On va venir dans la soirée hier, mais nous sommes nombreux. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de frères qui brillent, mais votre gamme là, c'est quoi? Alléluia! Amen! Thank you. côté, le bleu. Nous allons continuer. Moi, si on ne loue pas Dieu, là, j'ai. Nous loue pas content. Je dirais à la famille de mes sœurs. Et nous louons notre Dieu. Et c'est de la rue. Après, nous allons manger la nourriture là. Bah, on va dire, et y a Manikali. Alléluia. Nous allons continuer. Et ce qui t'a oui, parce que là, on ne peut pas. Dans cet jour, au bout du magosan, le mot de Allah. J'ai fait comme ça pour que nous soyons. Alléluia. Nous allons chanter dans les cantiques. Il n'y a pas de demande de chant aujourd'hui. Un des dîmes Kawala. Nous attendons les gens qui viennent. Et nous allons dire que nous sommes avec eux. Vous voyez que j'aime beaucoup le chant ici. Hein? J'aime beaucoup ce chant-là. Il dit voilà de Gabriel. Journée. Prenez-nous la compagne. Hein? C'est le simple. Prenez-nous la compagne. Thank you.